À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, l'Association générale des Coréens en Chine a adressé le 17 décembre une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Le généralissime Kim Jong-il, né fils de partisan et grandi en grand révolutionnaire au Mont Baektu, mont sacré de la révolution, a conduit pendant longtemps le parti, l'armée et le peuple pour ainsi accomplir des grands exploits immortels devant la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire. L'Association générale des Coréens et tous les compatriotes coréens en Chine sont profondément conscients du privilège et de la grande fierté particulière de la nation Kim Il-sung et Kim Jong-il, en jouissant de génération en génération de la chance d'avoir honoré le leader, le général et le grand homme qu'aucune nation du monde n'a connu. Nous avons la ferme volonté d'opérer à coup sûr une nouvelle apogée dans le mouvement des compatriotes coréens d'outre-mer, suivant la direction du maréchal. Nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, pour la prospérité de la Corée de Sungun, l'éternel bonheur de la nation, la réunification indépendante de la patrie et la victoire de la cause d'émancipation du monde.